comme perdu une partie de moi. Ce cœur veineux n'est plus que gris. J'ai perdu tout espoir de croire en moi. Depuis ce jour, j'entends la pluie. J'aurais aimé prendre ta place pour que tu vives plus longtemps. J'aimerais souffle de ta poitrine, mon chemin sent ta chaleur. J'ai beau essuyer mes larmes comme un enfant, je surmonterai cette douleur. Plus j'exige t'entendre me dire je t'aime, voir tes yeux scintiller par l'émotion. Sont fermés, juste une illusion. Maintenant, ce n'est plus qu'un rêve. Tes yeux sont fermés, juste une illusion. Je viens froid sans ta présence. Je ne devrais pas briser le silence. Je veux encore te donner l'amour qui te manque avant de t'envoyer.